naissance de Madame Henrard Guillemine, née en 1909 à Marneffe, résidente actuellement à Amé, ouvrière en céramique, 70 ans. Ce témoignage a été recueilli en 1979 par Madame Méralie. Porter le brick. On se levait à la piquette des jours et on allait dormir quand on fait déjà fournir. Nos tovrettes consistaient à porter le brick. Nous avions une foume de briques qui pesait 11,5 kg, plus les deux briques qui dépesaient au moins 3-4 kg chacune. Et nous fallait courir pour porter, retourner nos briques, mais nous fallait venir coller les autres. Sinon, nous étions fort barbotés. On s'espérait tout de courir à courir. Quand nous avions mis nos deux briques à terre, il fallait fricorer à abattre, fumer nos fumes, donc. Oh mon Dieu, je vais péter. Il fallait aller avec nos fumes, mettre des avions de vin pour que les briques plaquaient sur le fume. Et nous fallait fricorer, et ça consistait les piquettes de jus, donc des canouvures, qu'on allait manier une petite tarte de sirop. À dîner, nous allions manier tout de décrompir avec un oignon et un petit creton. Quand le sonnet fut riche à Stella. Alors, puis, quand c'est que les briques étaient souées, il nous fallait les mettre high. Et nous avions des flashs pour mettre dessus. Donc, les flashs, c'est des strings, des wassins, faits avec des allons. Et on clouait les allons, on solute et on mettait des strings, mettons, pour protéger les briques de la plève. Nous étions les mêmes briques, les fumeux, ainsi que les mouettis. Quand les briques étaient souées, on s'en occupait pour nous autres. C'est ce qui fait les fournées. Qui avait une charbonneresse à vous elle, une petite crapaud de 14 15 ans, qui subit le même traitement pour le manier que nos autres, et pour l'ouvrage aussi. Et les briques étaient faites à vous de l'arzée, et on peut de ses mains, et les hommes finent de mourir, et la vie de mourir de ce cagneau. Sans me voir que l'on s'est vous déroumaté ce plus tard. Et non est-il n'est faire bel pays. On s'était payé à Saint-Pierre, on remenait pour quelques jours et pour attaquer jusqu'à les fiers amis d'octobre. Chalama, c'était tout briqueté. Et pour aller dormir, nous avions des petites baraques à vous envilées des planches, cerceaux et des paillasses de strings. Et nous, on avait une place pour faire courir, donc, et c'était tout dit. Les femmes des mères briqueteuses qui allaient friffer nos petits dîners. Et on s'était tout bien âge qu'on avait un petit bouquet de rosti. Et quand notre campagne de briques était finie, on allait faire travailler en céramique qui se trouvait sur les villages. En céramique, on fait des pavés pour les mouhons. C'était fort marrêté. Mais j'étais des barbus. Ça consistait quand les pavés venaient foudre le presse, et on a vu des barbes, et on a vu une petite débarbeuse, donc, avec des papiers sablés. Il fallait les peler tout des pavés pendant qu'on avait des barbes. Tu as une autre santé malheureuse? Oh, attends, j'ai 70 ans. Manier plus de poussière que de manier des points. Et toutes les femmes qu'on travaillait, les femmes qui dessinaient, on s'est autour de toutes les silicos des pavés, de la poussière. Et le résultat n'a plus nul de Québec, ni nul homme de Québec qu'on travaillait en céramique. C'était fermement arrêté. C'est supprimé, c'est tout le temps la poussière qui formait vraiment brûlé et nos bocs et nos nez. Non, non, sentez où on front allure, ça dit la rouvie, mais c'est fort, fort beau. Nous attaquions à 7 heures à matin, jusqu'à 9 heures. Nous avions des meilleurs pour manier une petite tarte. Et puis on travaillait jusqu'à 12 heures. E uns ali frimani, e com se petata vun pompi, ou um boquete creton, que a vos te que o de bom. E nos ali fini a quatro nos giorni, e não falei fur a luz, pois havia tudo lhe possível de nos outros. E não havia de pressa a vous, e não havia lhe pressa, e não havia lhe secretif lhe pavi fou. Puis nos havia dois homens, um de chaque costé, que netim lhe fume. Les dessineuses avaient le batch des colures tout à tout seul et le signe vraiment comme des lions de Van Gaul. Elle avait à chaque pavé, il n'avait autant de comptes modèles qu'il n'avait de colures et pavés. Elle divisait le colure et puis on remettait les masses à couper des colures et puis la ligne expressée donc. Mais il ne fallait pas faire qu'on a des barbies, car c'est une coin, sinon c'est une barbotée. Ah non, puis qu'on sait que les pavés, estiment tout sur des planches. Notre vie les met sur des planches, et il n'y a qu'une femme qui les planches, et elle les revive donc avec une douce ovelette pour voir s'il n'y avait pas de défauts et pavés. Et pour les mettre, il devait des cassettes de terre cuite, qu'elle n'allait pas vers le fort. Pour la chef médoc, pour qui? Et quand sortit il fut des fort, elle allait les pavés à l'île à triètre, elle allait faire un tri, pour voir si les styles bien cuit au dru, ou bien si n'a venait des défauts. Et alors, puis, ça allait vers les nuances. Vous savez, bien, on pavé à cure, il n'a qu'à cuire plus fouer, il n'a qu'à cuire moins fouer, et les colures qu'on dit, ça fait un défri nuancé, vous avez toutes les mêmes colures. Nous avions le premier chouet, deuxième chouet, troisième chouet et puis les riquettes. On déformait les pavés, qu'on retifait des fours, on allait sur des maïnaries. Ce qui consiste à vous détendre des rails et les pavés sont suspendus devant le cassette. Et on les menait à triage, on les retifait des cassettes. Et les trieux sont zifés des gros hopés de pavés et requérines là-bas. Et il fallait flouquisser les pavés, les tourner les mains et aller faire vite. Louquis s'en estinait bombé ou bacté. Donc bombé, c'est une bosse à mitton. Et bacté, c'est une enfoncée. Et après cela, quand ça est retrié, il y a le premier chouet, les deuxièmes, les troisièmes et puis les requêtes. Donc les riquettes, c'est vraiment des choses concassives et qu'on five des bains car les chavous. On n'a vu qu'on devait toutes les mouhons chalama. Puis les pavés allaient à nuancer et on devait fréquérer les colures pour aller toutes les sondes. Quand le pavé est cuit, il y a des trop cuits, il y a des moins cuits et il fallait frimer toutes les colures et sondes. Et il fallait quoi faire vite pour travailler. Et on les remettait devant des batches et il allait dans l'emballage. Et l'emballage, on mettait devant les petits dix-dix. On les louait à vous des fidarka. C'est tous des hommes qui fit sous la MB papa, qui n'avait qu'une job, a travaillé toute sa vie là-devant après un accident de beurre. Il a vu ça où le job coupé. Et il balait les pavés. Et il éclavait les caisses. On mettait des pavés, des vins qui n'estinaient lui, cela, et on mettait des soyurettes, et ben papa, donc estuquait ici, si ça se comprend comme on veut. Mais quand ma mari a dit que l'estuquait ici, mais il y en a des clavouilles faquées. Passe ce pommette donc à Marchand qui venait nous acter, à vous le camionnette, mais on expédiait bramé à vous des wagons. Mais malheureusement, les céramiques à Toumé, ils ne trouvaient plus personne. Pour dessiner, c'était trop arrêté. Elle était revenue de trop long. Elle venait de Brésil, de tout costé. Il fallait tout un mélange de terre pour faire toutes les colures. C'est les nuances successives à Marchi, ainsi que les femmes qui dessinaient après. Pour finir, j'ai vu, quand j'ai quitté le céramique, j'ai vu 7 et 10 francs à l'heure. Allure. Allure, c'est différent. Oui, quand j'ai quitté. Donc, devant les années 45, 46, je ne sais plus dire parce qu'il y a trop de temps. On piétonne pour mémoire quand je ne vais plus vivre. avait à peu près 7-10 francs l'heure parce qu'on travaillait fin mardi. Qu'on ne fait pas, on peut gagner pas. Et qu'on a cassé des pavés, nos estis barbotés. Pour aller travailler, on allait avoir des sabots, des bois. Et nous avions un petit bon train pour mettre sur nos autres. Et il fallait faire comme il faut pour ramener, pour remettre, pour ça mettre en propre. Et quand ça allait faire laver, c'était vraiment brûlé au fond des bassins. Puis mis qu'une belle maman est quand j'ai parce qu'une belle maman dit qu'on lui a fait faire ses packs. Et il y en a un homme qui lui tâche à la main. Ben va mes petites filles, c'est me dépouiller, ils seront nés sur doux quand ils verraient. Mais dis-t-elle, mes belles mamans, dis-t-elle plutôt, hein, puisque pour vivre, mais elle ne peut. J'ai eu bien sûr trop de génie de n'infinir compagne. Et comme récompense, dis-t-elle, j'avais eu une petite blouse de cotonnade après les saisons de briques. C'est tout ce que j'avais eu comme récompense. Et j'ai travaillé copie comme fausse. Et il n'avait que 10 ans. Et j'ai fini toutes mes campagnes et j'ai remis Chalama. Et malgré tout ce qu'elle avait travaillé, une belle maman avait quitté jusqu'à 93 ans.